nord-ouest pardon, du pays ce matin. Quelques averses déjà là-bas. Ailleurs, on a un ciel assez lumineux, mais encore quelques plaques de nuages bas par endroit. Mais ça ne va pas tarder à se morceler. Cet après-midi, on aura plus de nuages que ce matin globalement. Des averses qui concerneront principalement le centre et le nord du pays. Cela pourrait déborder un peu sur les autres régions, mais ce ne sera rien de bien méchant. Ailleurs, on aura un ciel donc changeant, toujours plus lumineux en allant vers le sud du pays. Côté Mercure, c'est un peu timide pour la saison. 17 à 22 degrés. Une zone pluvieuse va arriver cette nuit. Elle ne restera sur notre territoire demain dans la journée. On aura donc régulièrement de la pluie, un plafond bas, beaucoup de nuages et un mercure qui atteindra péniblement les 20 degrés cette fois. Il est 8h et à la une de l'actualité, la Croix-Rouge qui lance un appel au don de sang. Oui, un appel récurrent à cette période. L'été est la saison des pénuries dans les centres de transfusion. On est privé tout un potentiel de donneurs. Les écoles sont fermées. Les entreprises fonctionnent à un effectif réduit. On ajoute à ça les donneurs qui sont partis en vacances. Tous les groupes sanguins sont concernés. Les plaquettes aussi font défaut. Musulmans et catholiques ont manifesté leur horreur du djihadisme ensemble hier lors de messes célébrées en France et en Belgique. C'était notamment le cas dans une église de Verviers. La pension minimale des indépendants rejoint celle des salariés dès aujourd'hui, l'aboutissement d'un combat mené depuis 15 ans. Pourtant, côté indépendant, le ton reste au pessimisme, on l'entendra. En football, le Standard a entamé le championnat sur un partage hier face à Westerlo, un Standard qui n'est pas encore au point de l'aveu de son entraîneur Yannick Ferreira. Enfin, les frères Borlée, les cyclistes Philippe Gilbert ou Greg Van Avermaet, un nouveau contingent d'athlètes belges décolle pour les Jeux de Rio ce matin. On se rendra à l'aéroport de Zaventem en fin de journal. Et les centres de transfusion qui se vident donc de leur sang depuis le début de l'été. Oui, la Croix-Rouge lance un appel aux dons. Comme chaque année, durant les vacances, la pénurie guette. Et cette fois, Simon Bourgeois, tous les groupes sanguins sont concernés. Oui, que vous soyez A, B, AB ou O, la Croix-Rouge prend tout. C'est un classique. Pendant l'été, les hôpitaux ont besoin d'autant de sang que d'habitude. Pourtant, avec les vacances, il y a un tiers de donneurs en moins. Laetitia Tisse est responsable de plusieurs sites de prélèvement dans la région de Liège. Pour elle, c'est clair, il y a moins de monde dans les centres pendant l'été. Il y a déjà nos donneurs réguliers qui soit partent en vacances, soit quand ils reviennent de vacances, ne peuvent pas donner tout de suite. Donc quand ils partent dans un pays tropical, par exemple, ils ne peuvent pas donner avant 6 mois. Donc on perd déjà ces donneurs-là. Ensuite, on fait des collectes de sang très régulièrement dans les entreprises et les écoles. Les entreprises, pour l'instant, travaillent en effectif réduit. Les écoles sont fermées, donc on a beaucoup moins de donneurs que pendant l'année. Et si ça continue comme ça, les hôpitaux vont devoir reporter certaines opérations pour garder des réserves pour les urgences. Du coup, Simon, la Croix-Rouge met en place des mesures spéciales. Oui, ça aussi, c'est un classique. La Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme. Les médias relaient l'appel aux dons. Et dans les jours qui suivent, c'est l'affluence. Les services de sang de la Croix-Rouge rappellent donc du personnel pour accueillir tout le monde dans les prochains jours. Jessica Lausson, la porte-parole. En Wallonie, nous allons renforcer nos équipes sur tous les sites de prélèvement. Je rappelle aussi qu'on a des collectes exceptionnelles qui se tiennent dans les lieux de passage, les galeries commerçantes, Namur-les-Bains, Bruxelles-les-Bains, etc. On aura aussi des étudiants qui seront là pour faire de la sensibilisation, pour essayer de faire venir un maximum de personnes, puisque la situation est assez préoccupante. Et il n'y a pas que le sang, situation préoccupante pour les plaquettes aussi. Elles n'ont une durée de vie que de 5 jours et les hôpitaux en ont toujours besoin. Et merci Simon. Et toutes les collectes, les centres et les horaires, ça se retrouve sur le site www.donneurdesang.be. Deux inculpations pour terrorisme hier en France. Oui, deux hommes ont été privés de liberté pour leur lien présumé avec Abdel Malik Petitjean, un des meurtriers du prêtre assassiné en Normandie. Il s'agit de son cousin âgé de 30 ans et qui savait, selon le parquet de Paris, qu'une attaque se préparait. La deuxième inculpation vise un jeune homme de 20 ans qui avait tenté de rejoindre la Syrie en juin dernier. Et 5 jours après l'assassinat du prêtre français, de nombreux musulmans ont manifesté leur solidarité avec les catholiques en se rendant à la messe hier à l'appel du Conseil français du culte musulman. En France comme en Belgique, où une douzaine de musulmans étaient présents à l'église Notre-Dame des Récollets hier soir à Verviers. François Bréban y a tendu son micro au doyen François-Xavier Jacques. L'initiative a été prise par un musulman qui m'a contacté en disant « voilà, je voudrais répondre ici à Verviers aussi à l'appel qui a été lancé en France ». Et ils étaient ici, une bonne dizaine, des mosquées de Verviers, à la messe. Il y a parfois les gens qui disent, mais les musulmans, est-ce qu'ils sont touchés? Est-ce qu'ils font des gestes vis-à-vis de nous? Mais voilà, ils sont venus en disant, on est touchés par ce que le monde chrétien vit. et on vient vous le dire, on vient vous rejoindre. Haji Belhaj Haji, pourquoi être ici ? On est là pour témoigner vis-à-vis de la communauté chrétienne, le fait que la douleur qui les touche, le fait qu'on ait assassiné un prêtre durant un office religieux, c'est une douleur qui nous touche aussi. Souvent ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est que les musulmans ne condamnent pas toutes ces horreurs. Vous le faites ? En fait, la condamnation, elle appartient aux États ou à des autorités morales, mais clairement, on les dénonce. L'incompréhension vis-à-vis de ces actes de barbarie sont aussi notre incompréhension. Depuis les attentats de Bruxelles, plus de 500 policiers ont demandé une aide psychologique. C'est une information RTBF. Les témoins directs des attaques du 22 mars dernier ont été particulièrement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Et les services de secours et de police n'y échappent pas, évidemment. Ils peuvent, pour en parler, faire appel à l'équipe Stress Team de la police fédérale. On voit cela avec Karim Fadoul. Le 22 mars dernier, des centaines de policiers ont eu à intervenir dans le métro bruxellois et à Bruxelles Airport. Pour beaucoup, tout de suite après les déflagrations, face à eux, une vision parfois apocalyptique qui ne laisse personne indemne. On apprend donc aujourd'hui que 520 policiers ont fait appel au soutien de la Stress Team. Il s'agit de l'unité chargée de l'accompagnement post-traumatique des forces de l'ordre. Elle intervient à la demande et gratuitement, bien entendu. Le ministre Yann Yambon explique que cette Stress Team a suivi toutes les procédures en vigueur en matière de suivi psychologique. Le service a eu recours au defusing, c'est une technique de prise en charge lors du retour à la normale après le choc, des entretiens collectifs et individuel, ou encore le débriefing. Objectif de tout cela, empêcher rapidement l'installation du syndrome post-traumatique. Et il semblerait que ce travail ait été bénéfique, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur. Des 520 personnes qui ont été en contact avec les membres de la Stress Team, seulement une proportion réduite continue à être suivie. Et bien à partir de ce lundi, la pension minimale des indépendants rejoint enfin la pension des salariés. Il y a 13 ans, la différence était encore de près de 200 euros par mois. Depuis, il y a eu une politique de revalorisation progressive, égalité depuis 2013 pour les ménages et égalité désormais pour les travailleurs isolés, au niveau en tout cas de la pension minimale. Pour les indépendants, toutefois, il y a encore du chemin à faire pour que ce statut continue à attirer. Fiona Collienne et Fabien Vanekaot ont recueilli quelques échos ce week-end sur un marché bruxellois. Le verre moitié vide ou à moitié plein sur le marché de la place Flagey ce week-end, c'est selon, entendant le micro aux marchands. Ainsi, il y a ceux qui, comme Godefroy, marchand de fruits et légumes exotiques, travaillent toujours, alors que... Je suis pensionné depuis le 1er janvier 2016. Et s'il travaille, c'est parce que... Si je dois seulement vivre avec la pension, c'est impossible. Il travaille avec son fils, qu'il couvre de ses conseils. Je lui dis qu'il doit faire vraiment très attention. Il doit, si c'est possible, il doit plus économiser. Un fils qui se voit travailler très tard, comme son père, et sur la revalorisation de pension du jour. Je me dis que ça ne doit pas être grand-chose, mais voilà, tant mieux. Hein. Peut-être que d'ici là où moi j'aurai ma pension, ce sera bien. Catherine, 53 ans, maraîchère, elle, la pension. On y pense, mais on n'essaye pas trop d'y penser. Ça fait un peu peur. Vous ne savez pas combien vous toucherez ? Non. Avant, on pouvait mettre un petit peu de sous de côté, mais maintenant, c'est plus vraiment ça, quoi. On fait comme on peut. Pessimisme aussi chez Josette, marchande de vin, ex-salariée devenue indépendante il y a quasi 40 ans et déjà l'âge de la retraite, et qui voit les charges de plus en plus lourdes, le commerce se ralentir du coup. Vous, vous recommanderiez à des jeunes d'être indépendants ? Non, certainement pas. Il faut faire des études, il faut arriver, travailler pour ne pas être indépendant. Indépendant, c'est la dernière chose à faire. Et ça, c'est mon expérience. Et je pense que ça n'ira pas sans m'aider. Dans le même temps, elle admet continuer à travailler, tout simplement parce que le métier lui plaît. 620 millions d'euros, c'est le montant des bonus salariaux versés aux employés l'an dernier. 7500 entreprises belges ont eu recours à ces bonus en 2015, c'est deux fois plus qu'en 2008. Chiffre du SPF Emploi relié ce matin par la Libre Belgique. Les viaducs n'ont plus leur place dans la capitale. C'est en tout cas le ministre-président bruxellois en personne qui l'affirme, Rudy Vervoort, pour qui la destruction du viaduc Herman de Brou n'est plus un tabou. Le gouvernement bruxellois vient en fait de donner son feu vert à un grand projet immobilier pour Delta. Logements, bureaux et activités logistiques devraient dessiner à terme un nouveau quartier juste à côté du tout nouvel hôpital Schirec. Tout cela engendrera plus de circulation, d'où la nécessité de réfléchir à l'entrée de ville par la E411 et les explications de Geoffroy Fabré. Chaque jour, environ 40 000 voitures entrent à Bruxelles par Delta. Avec ce nouveau projet immobilier et le nouvel hôpital, la mobilité dans le quartier va se compliquer un peu plus. La région va donc devoir réfléchir à un nouvel aménagement pour Herman de Brou. Pourquoi dès lors ne pas supprimer le viaduc ? Rudy Vervoort, ministre-président. À terme, on doit pouvoir envisager autre chose que ce type d'ouverture. ouvrage. Alors, est-ce qu'après on maintient le viaduc dans une fonction qui soit une fonction autre qu'automobile, ou bien on le démolit? Ça, ce sera encore à définir. Le geste, nous l'avions posé à Mézère avec la destruction du viaduc. Je pense que les viaducs n'ont plus leur place dans la ville de demain. Cette suppression du viaduc, Didier Gozouin la réclame depuis longtemps. En plus d'être ministre bruxellois, il est aussi le bourgmestre empêché d'Auderghem. C'est quelque chose qui est en discussion déjà depuis des années et des années. La commune d'Auderghem avait lancé le débat il y a une dizaine d'années. Et bien sûr que l'urbanisation de Delta, qui est une chose indispensable, puisque nous sommes avec des hectares en friche, va poser des problèmes de mobilité qu'il faudra résoudre à travers un reprofilage de l'entrée d'Auderghem. Si le viaduc est bel et bien démoli, un jour, cela ne se fera pas sans le développement d'autres alternatives, comme notamment l'arrivée du RER. Trois femmes belges ont perdu la vie dans un accident de la route en Bolivie, dans le désert de sel d'Uyuni, principale attraction touristique du pays. Le véhicule qui roulait apparemment trop vite a fait plusieurs tonneaux. Une Italienne et un Péruvien ont aussi été tués. Les dépouilles des victimes doivent encore être autopsiées avant leur rapatriement. Il est 8h11 dans le 8-9 Sport, d'abord du football avec le Standard qui a quelque peu raté son départ hier. Pour leur premier match de championnat, les Liégeois ont partagé l'enjeu 2-2 face à Westerlo. Un partage arraché in extremis par Jonathan Lejar en toute fin de rencontre. Manifestement, le Standard n'est pas encore au point, son entraîneur le sait. On écoute Yannick Ferreira. On l'écoutera sans doute plus tard. Oui, Yannick Ferreira qu'on devrait entendre. Autre résultat des rencontres d'hier. En attendant, Genk a battu Ostende 2-1 et la Gantoise a partagé l'enjeu 1-1 à Courtrai. Les Jeux Olympiques, eux, démarrent vendredi avec la cérémonie d'ouverture. Une grande partie de la délégation belge est déjà évidemment sur place. Mais un dernier contingent prend le départ ce matin depuis Zaventem. À Zaventem où on retrouve Christophe Reculé. Oui, et c'est une petite trentaine de sportifs hein, qui se réunissent ici du côté du hall de départ de l'aéroport de Bruxelles National pour ce qui constitue, vous l'avez dit, le dernier grand départ de la délégation vers Rio. Ils partiront un petit peu avant, aux 10h, direction Zurich, avant d'aller vers Rio. À bord, on comptera quelques espoirs de médailles, hein, comme Philippe Gilbert et l'ensemble de l'équipe cycliste, Philippe Milanov également au disque, ou les frères Borlée pour le 400 mètres des frères Borlée qui se font un petit peu attendre. Ici, ce sont les derniers à arriver. Des sportifs excités, évidemment, vous pouvez l'imaginer à l'idée de partir, et très peu inquiets finalement des échos peu flatteurs reçus du village olympique qui n'est visiblement pas tout à fait près des athlètes qui également se soucient guère du dossier russe de dopage. Pour le moment, c'est vraiment l'excitation et le départ qui prédominent. Les précisions de Christophe Reculé depuis l'aéroport de Zaventem. Merci. Et puis on reste au Brésil en quelque sorte avec une des plus belles plage de Rio de Janeiro, une des plus belles places. Oui, de Rio une de des Janeiro. Plus belles places même dans le quartier bohème de Santa Teresa, où un Belge a déposé ses valises il y a tout juste 30 ans. Un aventurier artiste qui propose des crêpes, qui connaissent un franc succès auprès des Brésiliens. Notre correspondante sur place, Anne Vigna, l'a rencontré. Je m'appelle Marc Van Hersel, je suis au Brésil, ça fait 30 ans. Je suis arrivé avec un bateau que j'ai construit, j'ai navigué pendant 10 ans. Moi, mon boulot, c'est artiste plastique. Là, je peins, je fais des peintures. Pendant toutes ces années, j'ai fait ça. Je bossais avec des architectes, je décorais des boîtes, je fais des tableaux, tout comme ça. Et puis, c'est très ingrat de vivre de l'art, très difficile à vendre. Et je me suis dit que, avec ma belle-sœur et un copain, on est donc trois associés, on s'est dit, ouais, allez, on va faire une crêperie, pourquoi pas, j'espère. Et c'est pas facile de bosser au Brésil, c'est bien, on y vit bien, c'est chouette, les gens sont sympas et tout, mais là, pour gagner de l'argent, c'est assez difficile. La journée, la place Largo das Neves est déserte, mais le soir, elle s'anime. Des enfants, mais aussi des musiciens et des touristes qui, étonnés, trouvent de vraies crêpes à Rio de Janeiro. À Okimi, notre crêperie, elle est chouette, parce qu'il y a plein de gens, on fait de la musique, c'est une bonne ambiance, ça marche bien. Mais ce qu'on attendait de vous faire des thunes, ben ça marche pas. Une vie agréable donc, mais pas toujours facile pour marquer les siens. Ils ne sont pas nombreux pourtant à faire des crêpes à Rio. Celles de Marc ont un franc succès dans le quartier, elles ne sont pas chères et de qualité. Alors si vous êtes à Rio et en manque de crêpes, Marc pourra vous régaler et en plus vous donner tous les tuyaux nécessaires à un bon voyage. En 30 ans de Brésil, entre mer et terre, il a de quoi raconter quelques aventures. Voilà, si l'envie d'une crêpe belge au Brésil, vous venez. Oui, c'est étonnant d'aller faire des crêpes au Brésil. Vous partiriez au Brésil, Émilie, vous iriez faire quoi? Des crêpes? Ah non, ou la crêpe peut-être, sur la plage de Copacabana, mais pas c'est des possible. Crêpes. Ah, il paraît qu'il y a quelques belles brésiliennes, Pierre, à regarder sur les plages du Brésil. Alors j'irai jouer au football. vous avez un air de Ronaldo, mais de loin. Caché, hein. Ouais, de très très loin. Brésil, vous feriez quoi, Julie Vanache? Un petit moule frite au Brésil, c'est sympa ça, non? Ça, c'est un truc. Une crêpe et puis un moule frite, ça c'est le 8-9. Il est 8h15, salut tout le monde, voici un nouveau 8-9. Et le RTBF Mobile Info de Stéphane. Et il y a un accident sur le ring de la capitale, Benjamin, en circulation intérieure. Il s'est produit un petit peu après le tunnel de Grunendal et ça ralentit à partir du carrefour Léonard. Donc prenez de l'avance si vous devez absolument passer par là, puisqu'entre le carrefour Léonard et Ytre, il faut compter 25 minutes supplémentaires. De l'autre côté du ring, il y a bien sûr l'échangeur de Grand Bigard et l'autoroute 40, l'autoroute de la mer, où il y a là aussi un chantier entre Herpemer et Wetteren qui vous ralentit. Vous perdez 25 minutes en direction d'Ostende sur cette E40. De chantier en circulation intérieure du ring entre Ytre et Grand Bigard, hauteur d'Anderlecht, une dizaine de minutes supplémentaires. Rejoindre Bruxelles depuis la 12 est assez compliqué ce matin en raison d'un accident qui s'est produit à Londerzeel, plus 32 minutes pour rejoindre Stroombeek-Bever. Et puis si vous arrivez via le 19 en venant d'Anvers, vous allez perdre une vingtaine de minutes en raison d'une zone de travaux entre Anderlecht et Mechelen, 21 minutes donc. Et pour rejoindre Anvers depuis l'échangeur de Mechelen, c'est 15 minutes. À noter également un radar présent sur le 40 Liège-Bruxelles entre Everlé et Berlot. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ah, dans un lundi 1er août important, c'est le chassé croisé aujourd'hui. Ceux qui sont revenus, ceux qui partent. Émilie, les incontournables des vacances tout à l'heure, vous amenez quoi ce matin? Alors, dans le sac de voyage, on va sortir les souvenirs que vous avez ramenés, les petits cadeaux, genre vous. Vous avez ramené. Mais je suis parti au Vietnam et j'ai ramené des chapeaux pointus. Vietnamiens. Voilà. Le truc à pas faire. Ouais. Le fashion faux pas. Le dé à coudre, on ramène encore du dé à coudre. C'est très tendance. La boule à neige. La boule à neige. Et ce qui est bien, c'est qu'on la met bien en valeur sur le buffet. Ouais, vous avez une boule à neige à la maison, Pierre? Cachée, oui. Faites votre coming out. Si vous en avez une, vous pouvez. Non, je pense pas. Catherine Tonnerre, vous avez une tête de fille qui ramène des boules à neige. Ah non, non, non, non. Alors, vraiment? C'est que j'ai mal regardé. Vous avez mal regardé. Ouais. Les people en vacances tout à l'heure, Julie. Luana, un amoureux. Luana, un amoureux. Oh, écoute de la bonne musique. On le connaît? Je pense bien. Il est plus âgé qu'elle? Il a plus ou moins le même âge. Ah, parce qu'elle est toute jeune. Hein. Ouais. Et dans un instant, l'évasion express, Pierre, vous nous emmenez où? On va mettre un pied dans la grotte. Vous savez que ça prend bonheur quand c'est le pied gauche. Hein. Attendez, je regarde où je marche. Quelle grotte? Vous le saurez après ceci. Et si vous preniez l'été du bon côté? Ce lundi, dans l'été du bon côté, nous allons tenter de nous réconcilier une bonne fois pour toutes avec notre corps et gommer tous ces petits défauts que nous sommes les seuls à voir. Dès 13h, sur Vivacité, nous mettrons nos complexes au placard. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité avec Émilie de Kegel. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Vous savez que les Jeux Olympiques démarrent bientôt. Il vous reste 24 heures, même pas, pour remporter vos places pour la grande soirée d'inauguration de la Rio House qui est installée sur la plage d'Ostende. C'est là que s'installe le comité olympique et que vous serez le bienvenu pour analyser l'ensemble des compétitions. Mais il y a une grande soirée d'ouverture vendredi, c'est très VIP, très exclusif. Si vous voulez remporter vos invitations pour la Rio House, vous avez jusqu'à ce soir minuit sur vivacité.be. Vivacité.be, vous ferez donc partie, non pas les sportifs qui sont déjà là-bas à Rio, mais vous ferez partie de la délégation qui soutient et qui verra la cérémonie d'ouverture. Il est 8h19 avant la grande évasion de tout à l'heure. Pierre, voici l'évasion express. Grotte. Mais quelle grotte? J'ai mis mes lunettes parce qu'il fait un peu sombre dans la grotte. C'est la grotte de Remouchamp sur la commune d'Ewaille. Alors c'est la plus longue navigation souterraine du monde. Elle a été créée en 1912. Et la première partie... J'aurais vous, ça résonne. Ça résonne? Ça résonne dans la grotte. C'est normal. Écho, écho, écho. Oh, oh. Ah, chez moi, ça ne résonne pas. Ouais. Donc, je disais que c'est la plus grande rivière souterraine du monde. La première partie de la visite se fait à pied. Elle vous emmène vers la première salle habitée il y a 8000 ans. C'était l'époque du Paléolithique. Ouais. Et puis ensuite, on va voir les anciens siphons de la rivière souterraine, le Rubicon, car il est là, le Rubicon. Absolument. Vous cherchez. Décor féerique, coloré, vivant, tout au long du trajet. On va vers la salle de la cathédrale. Et là, on va y retrouver une superbe salle. C'est facile d'y aller. On y va à pied. C'est pas trop compliqué pour. Oui, dans une grotte, on y va à pied en général. Oui, mais attendez, parce que la deuxième partie. Ah oui, elle peut se faire en barque. Elle se fait en barque, quand même. Alors, 600 mètres de barque, c'est bien, parcours comme ça dans la grotte. Silencieux, mystérieux, ça glisse, on découvre les beautés. Et il y a un palmier qui jaillit de la rivière, paraît-il. Un vrai palmier ? Un vrai palmier. Qui, sans lumière. Un palmier en stalactite, stalagmite et compagnie, ou quoi ? Ah oui, un palmier de pierre, ouais. Le stalactite tombe et le mythe monte. Ah ouais, ça, c'est le bon vieux moyen mnémotechnique. Ouais. Ceci dit, c'est un bon plan parce qu'on pense souvent aux grottes d'Oran, celle de Remouchamp. Vous avez déjà fait, Émilie, celle de Remouchamp? Non. Eh ben, voyez, Julie? Non, jamais, à essayer. Ouais, à essayer. Catherine, vous avez déjà fait la grotte de Remouchamp? Je ne suis jamais allée. Ah ben, dis donc. Même à Oran, en fait. Non, j'avoue. C'est pas vrai. Attendez, deux secondes de psychothérapie. Vous n'avez pas fait le zoo d'Anvers avec l'école? Si, ça oui, mais il y a bien longtemps. Et vous n'avez pas fait des grottes en voyage scolaire avec l'école? Non, jamais. Bon, alors, pas être claustrophobe non plus. Non, c'est clair. Mais la température, quand il fait chaud, la température est constante. 12 degrés à peu près en moyenne dans les grottes, que ce soit le gel à l'extérieur ou la forte chaleur. Ouais, ça me donne envie de faire pipi, ce bruit de goutte. Vous entendez? Bruit de goutte. Je passe la panne. Si vous voulez bien, il me fait le coup de la panne le premier jour. Non, monsieur. Donc, grotte de Remouchamp. Oui, grotte de Remouchamp. Alors, toutes les infos sur le site 365.be. Il y a des entrées aussi à gagner cet après-midi dans Vivre ici avec Marc Vernon à partir de 15h sur Viva. Bien sûr. Il est 8h21, le best-of du cactus. Nous étions à ce moment-là, le 1er mars, et le cactus revenait sur cette rocambolesque histoire incontable de l'Office Wallon des déchets qui a disparu après avoir détourné pendant plus de 10 ans une somme qui avoisine les 2 millions d'euros. C'est la fameuse affaire de monsieur René. Bonjour à toutes et tous, Rundinsdech, Arle, je me fais la malle et n'a le poubelle. La performance force le respect, voilà un homme qui détourne 2 millions d'euros, qui se barre au Venezuela et qui laisse sa femme à la maison se débrouiller avec la police. Du tout grand art. Donc René Tonneau, c'est son nom, des Danaïdes, a viré des sommes comprises entre 12 et 50 000 euros sur son compte personnel pendant plus de 10 ans, et personne n'a rien vu. Bon, à un moment, admettons que c'est grisant. Hein. Bon, alors, mes petits comptes d'épargne, les 247 derniers virements étant passés comme une coupe de dinant. Tentons le 248e, à un moment, on y prend goût quand même. Là, au moins, on est sûr que le job de comptable à l'Office Wallon des déchets, ça n'est pas un emploi fictif. Peut-on incriminer René Tonneau ? Et posons honnêtement cette question. Un homme qui passe 23 ans de sa vie à faire de la compta au ministère wallon de l'Environnement ne mérite-t-il pas cet argent? Prodigieux moment de télévision hier soir au JT. Ah. La déposition du patron de l'Office wallon des déchets, Arsène, face aux parlementaires. La supercherie est éventrée. Arsène nous le dit, vendredi, prend le bas de combat. Hein, réaction, impulsion, réflexe pavlovien. Attendons lundi. Donc, je cite, veille de week-end oblige. Hein, parce que le week-end, c'est sacré. Tout le monde y a droit. Le samedi, les courses, les sorties entre amis. Le dimanche, la bise à grand-mamie, le barbecue entre les standards. Le soir sur la une, il y a la grève, la trêve. Enfin bon, bref. Sur cette superficie ici, de vendredi 15h à lundi 9h, en Belgique, c'est The Walking Dead. Ouais. Inutile de vous dire qu'à cette heure matinale du lundi, René Tonneau est déjà à Caracas en train de siroter un mojito citron menthe. Lundi donc, après 3 bonnes nuits de sommeil que l'on suppute fructueuses pour les aboutissants, on appelle l'après-midi le parquet de Namur. 10 fois, sans réponse, vous me direz enfin quelque chose de prévu. Et je lis, c'est alors finalement vers le commissariat qu'il se tourne. Là, l'information est cocasse, mais non dénuée d'importance. C'est sûr que si c'était tourné vers le bricot de Épion, on aurait encore pris un peu de retard dans le dossier quand même. Bon, alors... Carlo Di Antonio, le ministre wallon, qui peut être fier de son environnement, indique alors qu'on lui fixe une audition le jeudi. Donc là, à ce stade du jeudi, en 8 de la semaine qui suit du mois qui vient de s'écouler des 2 années qu'on vient de perdre, René Tonneau a déjà entrepris les démarches pour la construction de sa villa 18 façades orientée vers le Pacifique, et les conducteurs des bétonneuses arrivent en chantant « Aïe, aïe, aïe, Mikolafon !» Comment René Tonneau s'y est-il pris pour détourner l'argent des déchets? Sans doute a-t-il lucidé une décharge. Non, on peut pas rire, c'est notre argent. Alors, hier, les autorités se fendent, non pas la gueule comme nous, mais d'une formule taquine. Il s'agit désormais d'une urgence. À titre de comparaison, durant ce laps de temps d'une semaine, on a déjà pu aller contrôler 6000 chômeurs à leur domicile. Alors, où est René Tonneau ? La réponse des autorités est évasive. Je cite, il pourrait être aussi bien dans un hôtel en bord de Meuse qu'à l'étranger. Ah ben c'est vrai, hein, tu te michetonnes 2 millions d'euros pendant 10 ans et tu disparais sans laisser de traces. Ben, la première planque qui te semble la plus sûre, c'est l'hôtel Les Sorbiers à Astir avec vue sur l'écluse de la Vaux. Parce que là, je parle, je babille, je dégoise, mais le temps qu'on pense à envoyer une demande d'extradition à l'ambassade vénézuélienne, le Jobard plein de Bolivar, il a déjà eu le temps d'achever sa villa, de creuser sa piscine et de se calter sur le continent sud-américain pour se taper la moitié des putes de Guayaquil à Montevideo. Hein. Ne soyez pas outré, monsieur Maréchal, vous feriez exactement la même chose encore hier après-midi. Ouais. Voilà. Ainsi fut René Tonneau. Trouvez-moi quelqu'un qui est aussi célèbre que René Tonneau cette année. Ça va être difficile. Émilie, vous connaissez quelqu'un de plus célèbre que lui ? Vous ? J'allais dire. Flatteuse. Non, je n'ai pas détourné l'argent du service public. J'ai juste été en vacances. C'est un droit de chaque travailleur. Mais avec quel argent ? Cette valise était là, chez moi, et je ne sais pas. Vous connaissez quelqu'un de plus célèbre que René Tonneau ? Non, je pense pas pour l'année, non. Non, il est incroyable. Incroyable quand même, ce type. Ouais. Il est incroyable. Julie, vous qui avez déjà détourné de l'argent. Oui, tout à fait. Oui. Écoutez, je pourrais pas vous dire les chiffres parce que je m'en mêle tellement les pinceaux avec tout ce qu'on vole, vous savez, c'est tellement facile. J'ai l'impression qu'elle fait une vraie confidence. Oui, c'est ça en fait. Les gens vont le croire. Oui, c'est ça le problème. On merci Benjamin. On dit à la radio et à la télé aussi. Exactement. Allumez la une télé, vous verrez que Pierre Jouet est assis à côté d'une repentie, d'une reprise. De justice. Tendez les bras. Voilà. Tout se sait un jour. Tout se sait un jour. Bon, on fait quoi tout à l'heure ? Dans le programme de cette matinée, retour sur les meilleurs moments invités de cette année dans le 8-9. Overphonic, notre invité tout à l'heure. Overphonic, vous savez qu'il n'a plus de chanteuse, hein, puisque les chanteuses défilent dans le groupe et que désormais ils ont décidé de plus en. Mais non, mais c'est vrai, elles défilent. Non, mais j'ai tenté ma chance, mais ils sont définitivement arrêtés. Mais comme je crois qu'Alex Calier se fâche avec tout le monde, il sera obligé de revenir chez vous un jour. Voilà. Il a toujours ma démo. Ouais, vous pouvez nous refaire une démo aux chansons, Émilie ? Badaboum. Ah, c'est ça. C'est convaincant. Oui. Merci, Émilie. C'est dingue, vous le faites troublant. Refaites. Badaboum. Et là, vous avez un petit air dans le regard. Ouais. Un air un peu mutin. Tout est dans la séduction, vous savez. Voilà, à la fois mûr et enfantin. Exactement. C'est ce qui fait le succès de la chanson, c'est juste ça, quoi. Ah oui, c'est juste l'intonation du truc. Parce que sur le reste des paroles, citez-moi le reste des paroles. Badaboum. Ben voilà. On retient que ça. Ben voilà, ben vous lui direz à Alex Calier qu'il a fait qu'une parole dans une chanson. Overphonic, donc, il sera au Brussels Summer Festival. C'est pour ça que toute cette semaine, on se replongera dans les archives du 8-9 avec tous les artistes qui sont au Brussels Summer Festival, Musti, Emma Bell par exemple, ou encore A Noir et Delta, toute une série de groupes que vous pourrez croiser si vous avez vos billets pour le Brussels Summer Festival, une chose à la fois overphonique donc. L'info de la région dans une seconde. Vous aimez vivre ici ? Nous aussi. Alors cet été, Vivacité vous parle d'ici. Et ici aussi. Oui, ici. Pas par là, par ici. Non, par ici. Et ici. De 15h à 17h, tous nos animateurs mettent en avant le meilleur de leur région. Événements, commerces, attractions. Vivre ici, avec Marc Vernon, sur Vivacité. Parce qu'ici, c'est mieux. Bon, tout le monde est là. Non, non, ici Marc. Mais non Marc, ici. Vous êtes coincé en Belgique cet été ? Et si vous vous évadiez ? Tous les matins, Vivacité vous offre 2 heures d'évasion. Pour voyager sans bouger de chez vous, préparez vos prochaines vacances ou les gagner. La grande évasion, du lundi au vendredi, de 9h à 11h sur Vivacité. Avec Pierre Joie et Aurore Salzano. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport ? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Salut, c'est Mister Cover. Nous sommes ravis de venir faire la fête avec vous ce samedi 6 août à Boussu lors du Beau Vélo de Ravel. À l'affiche, il y aura aussi Arona et Vianney. Nous vous attendons en pleine forme à samedi. Le showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 6 août à Boussu-Colfontaine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Et vous nous rappelez l'actualité de ce lundi, Catherine. Et l'appel aux dons de sang de la Croix-Rouge. Comme chaque année durant l'été, la pénurie guette dans les centres de transfusion. Et cette fois, tous les groupes sanguins sont concernés. Les plaquettes aussi font défaut. Toutes les infos sur le site donneurdesang.be. La pension minimale des indépendants rejoint celle des salariés dès ce lundi 1er août. C'est l'aboutissement d'un combat mené depuis 15 ans. Enfin, il y a 4 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, un nouveau contingent d'athlètes belges décolle ce matin pour les Jeux de Rio. Il comprend les frères Borlée, le discobol Philippe Milanov ou encore les cyclistes Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet. Eh bien, les athlètes de Rio échappent à ce temps mitigé de ce lundi, mélange d'éclaircies et de nuages, par endroits averses possibles, coup de tonnerre possible également par endroits et 22 degrés de maxima. Il est pile 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. J-5, le compte à rebours a commencé avant les Jeux Olympiques de Rio qui débutent ce vendredi. Et pour l'aéroport de Liège aussi, c'est un événement. Pas moins de 185 chevaux doivent décoller depuis Liège pour Rio. Ces premiers chevaux, Barbara Schall, sont partis ce week-end. Oui, c'est quand 185 chevaux vont donc participer aux compétitions épiques des JO. Ils viennent d'un peu partout en Europe, de Belgique, mais aussi de France, d'Espagne, de Suède ou même de Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport de Liège s'est réellement spécialisé dans le transport aérien de chevaux. Depuis peu, il est d'ailleurs équipé de 55 box où les animaux sont hébergés avant leur départ ou après leur arrivée. C'est l'entreprise LAX qui gère ces box et qui s'occupe ensuite du transport des équidés. Des passagers très particuliers qui ont donc des besoins très spécifiques. Bien oui, à bord, il faut contrôler la température, le niveau d'humidité ou encore la concentration en CO2. Il faut bien sûr équiper les avions en boxe démontable avec un revêtement de sol adapté. Et puis le cheval n'est pas seul, il est en général accompagné de son groom, de sa nounou en quelque sorte. L'assistance d'un vétérinaire est également prévue. Ensuite, le service varie d'un animal à l'autre. Les chevaux ou plutôt leurs maîtres ont le choix, voyager en première, en classe affaires ou éco. En tout cas, qu'ils soient nantis ou un peu moins bien lotis, les chevaux devraient tous arriver au Brésil à bon port et relaxer, retour prévu à la fin du mois. Et ces passagers un peu spéciaux fouleront de leurs sabots le sol de l'aéroport de Liège jusqu'à la fin de la semaine. La Croix-Rouge lance un appel urgent au don de sang. Avec les vacances d'été, les stocks ont fortement diminué, la pénurie menace. La Croix-Rouge a donc besoin de volontaires, des volontaires comme Franck, qui s'est rendu au centre provincial de Liège il y a quelques jours pour donner son sang, et c'était la première fois. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'avais pas fait plus parce que j'y avais pas pensé. Mais là, en repassant devant, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais le faire. C'est quelque chose d'utile, qui coûte rien, qui prend pas de temps et qui peut sauver une vie. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important et que je voudrais faire assez régulièrement. Comme c'est souvent le cas pendant les grandes vacances, la Croix-Rouge manque de sang. Mais pourquoi à cette période principalement ? Laetitia Tisse, médecin, est responsable de plusieurs sites de prélèvement en province de Liège. Il y a déjà nos donneurs réguliers qui, soit partent en vacances, soit quand ils reviennent de vacances, ne peuvent pas donner tout de suite parce qu'on a des contre-indications liées au pays. Donc quand ils partent dans un pays tropical, par exemple, ils ne peuvent pas donner avant 6 mois. Donc on perd déjà ces donneurs-là. Ensuite, on fait des collectes de sang très régulièrement dans les villages, mais aussi dans les entreprises et les écoles. Les entreprises, pour l'instant, travaillent en effectif réduit. Les écoles sont fermées, donc on a beaucoup moins de donneurs que pendant l'année. On a toujours besoin de sang. Il n'y a jamais de période où il ne faut plus donner, que ce soit dans un groupe ou l'autre. On en a toujours besoin. Un reportage signé Laurie Meunier. Si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous rendre dans l'un des 6 centres de transfusion de la province de Liège. Plus d'informations sur le site internet de la Croix-Rouge. Le festival de musique de Stavelot se poursuit aujourd'hui à l'espace culturel des Capucins avec un rendez-vous assez matinal. À 11h, un concert emmènera les mélomanes à la rencontre d'un personnage biblique, celui de Marie-Madeleine. C'est l'ensemble Scherzi Musicali qui donnera ce concert intitulé Madeleine l'Orientale que nous présente la présidente du festival, Suzanne Micha. C'est l'ensemble Scherzi musical et sous la direction de Nicolas Achten que nous entendrons dans ce répertoire. Et le thème de Marie-Madeleine a été très souvent repris par les musiciens de la Renaissance ou de l'époque baroque. Et c'est presque un opéra que nous entendrons dans l'œuvre de Bertali, mais tous les musiciens de ce concert du matin ont illustré ce personnage très, très émouvant, qui prête aussi à beaucoup de questions. Et voilà, Marie-Madeleine sera illustrée dans toute sa personnalité orientale. Une interview signée Olivier Tunus. Pour tout renseignement ou réservation, un site internet festivalstavelot.be. Regardez la pièce de théâtre Le Carnaval des Ombres chez soi devant sa télé, ce sera possible dans quelques mois. Le Carnaval des Ombres tourne sur les planches depuis 4 ans, mais ce week-end, la pièce a été filmée lors d'une représentation à Saint-Vite. Un DVD va donc sortir. Vous pourrez assister à l'histoire de ces jeunes Belges des cantons de l'Est, enrôlés de force par la Wehrmacht. L'auteur, acteur et personnage principal de la pièce, c'est Serge Demoulin. Mon grand-père, il a combattu contre les Allemands lors de la fameuse guerre des 18 jours, lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Et après cette guerre perdue de 18 jours, on lui a mis l'uniforme allemand sur le dos et il est mort avec cet uniforme allemand sur le dos. Mes deux oncles, eux, sont partis en Russie. On en parlait quand les fêtes de famille étaient là et que l'alcool nous amenait... la fête nous amenait vers ceux qui n'étaient pas à la fête, si vous voulez. Alors, il y avait toujours un verre de vin dans ces moments-là et on parlait des disparus. Et quand on parlait des disparus, il y avait comme une espèce de silence. On disait sans dire qu'il y avait eu la guerre et qu'ils s'étaient battus en Russie. Et aux questions, on y répondait à moitié. Et il y a quelque chose qu'on a refoulé, en tout cas, dont on n'a plus voulu parler. Bon, si vous deviez résumer votre message en une phrase. Alors, qui sommes-nous pour juger ? Une interview de François Bréban. En football, la reprise du championnat n'a pas trop réussi à nos clubs de Pro League. Eupen, pour son retour en D1, s'est incliné lourdement 3-0 à Zulte Waregem. Et puis le Standard a lui été tenu en échec à Westerlo 2-2. En sport moteur, les 24 heures de Spa ont été remportées par une BMW, celle du pilote belge Maxime Martin. C'est le vrai, c'est pas un sosie, Stéphane, RTBF Mobile Info. Un accident impliquant plusieurs véhicules, Benjamin, sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure, un tout petit peu après le tunnel Groenendael en direction de Waterloo. Et vous ralentissez bien sur ce tronçon du ring. Les temps de parcours augmentent. Il faut compter plus de 30 minutes, 35 minutes entre le Carrefour Léonard et Ittre. Et vous ralentissez déjà entre Zaventem et le Carrefour Léonard sur une dizaine de minutes. Donc au total, une quarantaine de minutes en amont de cet accident. Vous comptez peut-être vous rendre à la mer aujourd'hui. Eh bien, vous n'échapperez pas au chantier qui est situé sur l'E40, Bruxelles-Ostende, entre Herpomer et Wetteren, une demi-heure supplémentaire pour rejoindre le littoral actuellement. Et pour rejoindre Bruxelles sur l'E40 en venant d'Ostende, c'est une dizaine de minutes. Et c'est encore une fois ce chantier où la circulation s'effectue sur des voies rétrécies qui vous ralentit. Autre chantier du côté d'Anderlecht sur le ring, toujours en circulation intérieure du ring de Bruxelles entre Ittre et Grand-Bigard, une dizaine de minutes supplémentaires. Et puis un accident à Londerzeel ralentit les automobilistes, 15 minutes supplémentaires en venant d'Anvers pour rejoindre Bruxelles. Ça ralentit également sur le 19 en direction de la capitale depuis Anvers, 25 minutes supplémentaires. Et pour rejoindre Anvers via le 19 en partant de l'échangeur de Maquelone, ajoutez 15 minutes en plus. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, portrait de club de foot avant la saison et la pleine saison, même si ça a déjà redémarré en Division 1, vous l'avez vu hier. Portrait de Eupen dans une seconde. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Télé sur la Une, il voulait un seul enfant, mais voilà que... Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. En effet, ça fait un peu désordre. Plus de 500 petits dons de sperme qui ont bien grandi et aimeraient savoir aujourd'hui qui est Fonzie. José Garcia dans une comédie haute en couleur, ce lundi soir sur la Une. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Spirelli Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelli Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, 3 Ponts et Verviers. Elle est pas belle la vie? C'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Bricoplanet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Le 8-9. Lundi, ce sont les incontournables de l'été, donc vous nous ramenez tous ces brôles revenus de vacances tout à l'heure, Émilie. On va faire un petit peu le point sur les choses un petit peu ringardes qu'on ramène de vacances. Ouais, j'aime faire un top 3, donc la boule à neige dans votre cœur, ça j'ai bien compris. Le magnète qu'on met sur le frigo. Oui, bien sûr, incontournable. Ouais. Et la petite fiole de sable. Évidemment. Et parfois, il y a du sable de couleur, c'est encore plus chic. Les people en vacances. Louane a un amoureux et Jean-Claude Van Damme va s'énerver, vous allez voir. Mais Jean-Claude Van Damme n'est pas l'amoureux de Louane. Non, c'est pas lui, ouais. Non. Il pourrait être son père, si pas son grand-père d'ailleurs. 8h40, Portrait de Clope, en attendant les JO qui démarrent donc vendredi soir. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir sur vivacité.be pour emporter vos places VIP pour participer à l'inauguration de la Rio House à Ostende vendredi soir. Vous assisterez avec tous les sportifs restés en Belgique à un moment incontournable dans la vie sportive, c'est le début des JO. Donc en attendant, Portrait de Clope, Arnaud Montero, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez ce matin avec le portrait de Pen, un club qui jouait en Division 2 l'an dernier. Mais oui, et le fait de se retrouver en D1 cette année, c'est un super coup de projecteur pour toute la région. C'est souvent ce que les supporters nous disent. On ne parle pas assez de notre région qui est magnifique, une région atypique aussi, hein, où on parle à la fois allemand et français. Il y a même parfois des panneaux de signalisation qui sont uniquement en allemand. C'est assez comique à voir. Et donc les EPNois qui sont super fiers d'avoir un club en Division 1, ça permet de parler de cette communauté germanophone, une région qui vaut vraiment la peine, qui vaut vraiment le détour, une région boisée. Mmh. Donc si les supporters un jour hésitent à faire le déplacement jusqu'à Eupen, je pense qu'ils ne doivent pas du tout hésiter, ils doivent y aller. Donc c'est bien parce que cette saison, vous éviterez de nous écrire en disant vous ne parlez jamais d'Eupen, cette saison il y aura du Eupen tout le temps. C'est pas alors, leur servir. Il y a qui dans le club? Il y a des germanophones, mais il y a des Qataris aussi. Mais oui, parce qu'il y a les Qataris qui ont racheté Eupen, c'était en 2012, des Qataris qui en fait investissent beaucoup en Europe pour pouvoir placer des joueurs, évidemment, pour pouvoir faire ce réseau de joueurs et pour pouvoir faire de l'argent autour de ça, mais finalement les Qataris sont hyper... ils sont hyper fidèles au club de Penn, puisqu'ils sont là depuis 2012. C'est quand même assez rare que des investisseurs étrangers restent aussi longtemps. Ils voulaient absolument de la Division 1. Ils sont restés énormément de temps en Division 2. Maintenant, la Division 1, on va voir. Ils ont beaucoup d'argent, donc ça pourrait être une équipe dont on va parler beaucoup cette saison. Ah ben justement, l'objectif, c'est juste le maintien en Division 1, ou c'est on fait un saut en Division 1 et on s'en va? Quel est l'objectif? Mais je pense que c'est avant tout le maintien. Il y a des joueurs expérimentés, il y a des Espagnols. Luis Garcia, par exemple, dans cette équipe, qui a été international avec l'équipe d'Espagne. Donc il a un palmarès assez impressionnant. Mais d'un autre côté, il y a aussi des Qataris qui sont là et donc qui doivent se faire au championnat. On l'a vu ce week-end, défaite 3-0 face à Zulte Waregem. Bon, l'arbitre n'a vraiment pas été sympa avec les Eupenois, mais on le voit, ils vont devoir apprendre à mieux défendre leur couleur, en tout cas lors de cette saison. Émilie, vous les voyez remporter le titre? Je fais des questions faciles, abordables pour tout le monde. Oui, mais en D1A ou en D1B? Parce que ça a changé pendant votre départ. En D1A, ça c'est sûr. Il y a toujours les play-offs ou pas? Oui, il y a toujours les play-offs. Il y a toujours les play-offs, j'ai quand même pas tout raté. Vous les voyez où, Eupen? La chance du débutant, donc ils peuvent arriver. Ouais, souvent des clubs comme ça créent la surprise, ouais. Ce serait une belle histoire quand même, Benjamin. Ah, ce serait une belle histoire de les retrouver en, comment on dit, en D1A. Il y a d'autres trucs qui ont changé dans tu le monde. Tu as coulé mon porte-avions. Enfin, Arnaud Montero pour le portrait de club de ce matin, Eupen, donc, merci beaucoup. Merci. Dans un instant, best-of invité, Overphonic, Alex Calier était venu nous présenter le nouvel album, et alors toute la saga des chanteuses qu'on élimine, qu'on reprend plus, qui va chanter. Les tubes, qui les rechantera plus. Bref, c'est après la pub. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Proximus présente... Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, ça c'est une basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça. Football. Balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein. Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Du 5 au 21 août, vibrez avec nous au rythme des Jeux. Tous les matins, nos envoyés spéciaux vous réveillent depuis Rio. Retrouvez l'essentiel de l'info sportive dans le 6-8 sur la Une, le 8-9 et nos journaux des sports. Et à tout moment, les performances de nos athlètes, les records et les médailles. Les JO de Rio 2016. C'est sur Vivacité. Bien manger, c'est déjà gagné. Avec Deleuze, partenaire officiel de l'équipe belge. Vivacité presents The Scottish Days. Pipe band, Highland Games, Scottish dance, Kilt Village, mariage clandestin, gastronomy, artisan, and of course, beer and whiskey. Au Mémorial 1815 et à la ferme de Hougoumont, au pied de la Butte de Lyon, les 13, 14 et 15 août. Tickets sur 070.be. Avec la province du Brabant Wallon et TV.com. Vivacité vous invite à l'avant-première de Jason Bourne. Bon sang, c'est Jason Bourne. Matt Damon revient dans un trailer à couper le souffle. Il faut l'éliminer. Pour y assister le 8 août à Bruxelles et Mons, 0905 56 475. 50 cents par appel. La prochaine balle est pour vous! Viva, viva, viva. 8h, 9h, le 8-9. 8h45, les people en vacances, on s'absente deux secondes et voilà que Louane trouve un amoureux. Ah bah oui, tout le monde connaît la petite Louane, bien évidemment. Hein. Louane, c'est donc la petite jeunette qu'on entend partout, que les enfants chantent tout le temps. Mais est-ce que vous connaissez aussi son amoureux? Ce serait un certain Navi, qu'on entend pas mal aussi sur le bassin. Ah, oui, qui oui, écoute oui, du oui. Miles Davis. Exactement, c'est lui. Bah, il est venu dans le 8-9. Hein. Oh, il a rien dit. Beau. Ouais, oh, c'est un beau petit garçon. On a été gratter un peu les infos, apparemment ça fait quelques semaines que ça dure. Et ici, il aurait essayé de contourner des questions subtilement concernant la petite Louane, jusqu'au jour où, ce week-end, il a enfin balancé l'info quand on lui a demandé « Tiens, qu'est-ce que tu trouves de bien chez ta petite Louane ?» Il a répondu « Sa simplicité et je n'en dirai pas plus. » Parce qu'il veut le garder apparemment la petite love story très secrète. Il a promis le grand jeu, le mariage, le... Non, il ne sait pas encore, il essaie de rester assez secret, assez discret, mais ce n'est pas très discret. Ils ont collaboré ensemble sur l'album de Louane, il est tout le temps en première partie de Louane. Et puis ils sont tout mignons, non, vous ne trouvez pas? Eh bien, Émilie, vous n'aurez pas Navi. Pierre, vous n'aurez pas Louane. Les choses sont claires. Je suis déçu, je m'en vais alors. Oui, je sais. Attendez, on va se rattraper. Vous aurez peut-être Jean-Claude Van Damme qui va pas bien. Il a pété un câble en Australie. Exactement. Il était à Bangkok et il faisait un direct pour la télévision australienne. Donc, c'est-à-dire que petite interview normale, hein, on pose des questions, on y répond. Mais il n'était pas content. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Claude Van Damme n'était pas content? Mais lui seul le sait, je pense. Le cachet, il y a une histoire d'argent, il n'a pas été payé, on lui a dit qu'il serait payé. Pas du tout. En fait, il était en train de faire son interview et il trouvait que les techniciens derrière les caméras parlaient un petit peu trop à son goût, ça l'énervait parce qu'on ne l'écoutait pas. Ah, normal, les gars doivent gérer des trucs aussi derrière, de l'image, du son et compagnie. Il s'est mis à péter un plomb jusqu'à la fin où il a dit « Ok les gars, c'est bon, au revoir, je vais aux toilettes, arrêtez de tourner, c'est terminé, je peux pas faire ça ». Comprenez bien que si on devait péter un câble chaque fois que l'équipe du 8-9 en régie ne nous écoute pas, hein, l'établissement serait cassé depuis longtemps. Ça va, André réalise ce matin. Il n'écoute pas. Donc, ils parlent de leur week-end. C'est même ce qu'André me dit dans l'oreillette. Non, je joue à Candy Crush. C'est Pokémon Go maintenant à la mode. Attends, André, je vais avoir besoin de toi dans une seconde. Voici le best-of de cette saison invitée dans le 8-9. Overphonic était venu présenter l'album In Wonderland. Pourquoi le best-of d'Overphonic cette semaine? Parce que le groupe sera le 5 août au Brussels Summer Festival. On a décidé de consacrer la semaine à tous les artistes qui passeront par le Brussels Summer Festival. On commence donc par Overphonic. C'était il y a quelques semaines et on a parlé notamment du fameux... Badaboum. Car Émilie est le sosie officiel, le sosie vocal d'Overphonic. Qui est notre invité ce matin? C'est le boss du groupe, Alex Calier est là, bonjour. Bonjour. Vous êtes très drôle, vous êtes venu avec votre thé dans un mug de la maison. Ouais, non, oui, c'est vrai, c'est bien pour l'écologie. Ah ouais, parce que vous saviez que les francophones faisaient beaucoup grève, donc vous vous êtes dit, je vais prendre mon thé avec. Ah non, c'est pas pour ça, c'est toujours comme ça, même en route, même sur le tourbus, j'utilise toujours ça. Ah ben génial, il est installé, peinard. Je voudrais, avant qu'on parle de musique, trancher cette affaire. Donc, votre chanteuse n'est plus, Noémie Wolfs ne fait plus partie du groupe, vous avez plusieurs voix d'hommes et de femmes sur l'album. Alors elle dit, on m'a mis un peu dehors, vous vous dites on s'est séparés, tranchez le fin mot et après on n'en discute plus. Qui a dit merci à qui? On a décidé vraiment, les trois, de ne plus travailler ensemble. Ça, c'est la vérité. Ouais. Elle n'avait plus envie, nous, on n'avait plus envie. Alors, si personne n'a encore envie de travailler ensemble, alors il faut Ça dépend, regardez-nous, par exemple. On est obligé. Non, mais je me dis qu'en fait... Vous êtes syndiqué, moi pas. Oui, c'est vrai. Forcément. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de disques vous dit, Alex, ne fais pas ça, c'est une folie, parce que le public, il se repère avec la voix et la chanteuse ou le chanteur, c'est toujours la figure de proue. Est-ce que quelqu'un dans la maison de disques vous dit, tu vas faire une bêtise, Alex? Non. Non. Non, pas du tout. Non, c'est ça qui est cool d'être signé en Belgique, je crois. Il nous laisse vraiment très libres. Et bah, je crois le plus important pour la maison de disques, c'est qu'il a des tubes, et pour le reste, il s'en fout, je crois. Mais à la fin, non, on est déjà signé chez Sony. Je crois 20 ans. Et donc ils vous font confiance. Ouais. Alors vous avancez sur cet album. Est-ce que c'est vrai que Badaboom, qu'on a entendu, qui est donc nouveau pour nous, est-ce que c'est vrai que vous l'avez composé, écrit il y a très longtemps? C'est un truc que vous aviez dans les cartons. De 2008, oui. Ouais. À 2008, j'étais en Norvège, sur une île avec des autres compositeurs et des écrivains de chansons. Et on était là un matin avec c'est quoi en français la gueule de bois? La gueule de bois? Oui, oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. À 10 heures le matin, dans une chambre à coucher avec un ordi et deux haut-parleurs. Mais enfin. J'étais là avec une Française et un Anglais. Bravo. Et alors on était là, on veut écrire une chanson, et la première chose que je disais tout le temps, ouais, c'est je vais pas écrire quelque chose I love you and I want you and I need you. Et alors tout à coup Emily Satt de commencer à chanter Badaboom et oh, tu tomber sur un salaud. Ah ben oui, c'est l'inverse. Voilà. Et alors, et l'anglais savait pas vraiment ce que ça voudrait dire. Alors lui, il a composé une partie en anglais. Et c'est assez marrant, mais je l'ai vu il y a 2 mois, et lui, il disait, ça veut dire quoi qu'elle chante en français? Alors je l'ai expliqué, après 8 ans, je l'ai expliqué. Ah, now it makes sense. Je comprends. Comment on dit en anglais, t'es tombé sur un salaud? Comment on dit ça? C'est difficile. C'est vrai que ouais, chaque langue a vraiment une expression particulière. Voilà. J'avance dans l'album. On va voir si on tombe sur un homme ou sur une femme, puisqu'il y a plusieurs voix. Voici le clip suivant. C'est le clip d'I Like The Way I Dance. Alors je prends un titre au hasard. Il y a une chanson qui s'appelle Cocaine Kids. Écoutez l'intro. On est dans cet univers un peu... psychédélique? Drogue? Interlope? Oui. Non, madame. Drogue, non, pas drogue. Alors ça, c'est marrant parce que ça vous plonge dans un univers un peu dark, cocaïne. J'avance un peu dans la chanson. On va à la parole de la chanson. La parole, la voici. La parole, s'il vous plaît. A little mushroom pie. C'est marrant parce que jusqu'ici, on ne vous connaissait pas, Overphonic, comme étant un peu dark, borderline. Bah oui, quand même. Si tu regardes toute notre carrière, il y a vous vraiment... Prenez de la cocaïne? Prenez de la cocaïne? Non, pas du tout. Je n'ai jamais pris ça dans ma vie. Jamais. Non, parce que je suis trop up déjà. Alors, si moi, je prends de la cocaïne, je ne vais pas oui, être responsable pour ça. Non, ouais. Non, je n'ai jamais fait ça, mais tu sais... C'est vraiment dans notre carrière, on était toujours inspiré par les drogues. Je sais pas pourquoi. Nous allons vous le dire. On a même sorti un album The President of the LSD Golf Club. Alors, même à l'époque, The President of the LSD Golf Club, mais aussi sur The Magnificent Three, il y avait des trucs. Mais c'est intéressant de se souvenir de tout, parce que je rappelle qu'Alex Calier, il y a quelques secondes, nous expliquait qu'un jour, il s'était réveillé en Norvège, dans un bois, composant des chansons avec une femme et un homme dans son lit. Nous a-t-il dit avant de dire qu'il n'y avait pas de drogue? Il n'a pas dit dans son lit. Ça, c'est vous qui venez de rajouter. Ah oui, c'est vrai. Vous faites l'histoire, monsieur Benjamin. Sur scène. Mon lit était déjà complètement fait. Et moi aussi, j'étais complètement. Ah oui, Cathy n'était pas là non plus, contrairement à ce qu'a dit. Et Sarah non plus n'était pas là. Bah, peut-être dans le futur, si on veut écrire une chanson. Bien. Et on ajoute une date pour Overphonic. Il y a le Brussels Summer Festival 5 août et aussi le 26 août à Seine-sur-Sambre. Dans un instant, la femme qui ramène des boules à neige des vacances, Madame de Kegel. Ouais, exactement. Ce vendredi, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous partez à la mer en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info vous guident sur la route des vacances. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Boussu-Colfontaine comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, le Ravel écologique du Pass avec Patrice Goldberg et des milliers de beaux héros pédalant sur les traces de Vincent Van Gogh. Tournesol et matière grise, ce dimanche, juste après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Soir Mag propose « Je commence à lire avec Martine », une collection de 16 livres. Retrouvez chaque semaine deux titres qui permettront aux enfants de découvrir le monde des livres. Dès ce mercredi, les deux premiers numéros, Martine à la maison et Martine Babysitter, au prix de 6,30€ seulement avec votre magazine. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec Deleuze et AG Insurance. Le 8-9. Avec Pierre Joie, avec Julie Vanache et Émilie de Kegel, les incontournables de vacances à 8h55, les souvenirs incontournables. Oui, les souvenirs, mais pas ceux que vous gardez en mémoire, hein, quoique ils sont quand même pas mal, mais plutôt ceux que vous ramenez dans votre valise ou dans votre sac à main qui prennent toujours plein de place et qui souvent ne servent à rien. C'est surtout ça qui est très important. Voire même la plupart du temps. Voilà, hein, même ouais. La plupart du temps. Ou alors on s'en débarrasse le plus vite possible chez une tante, une grand-mère ou qu'on remballe pour Noël. Bref, quel est l'endroit où vous achetez vos souvenirs de vacances pour autant que vous en achetiez ici autour de la table? Dans les petites boutiques de centre-ville, vous. À l'aéroport. Avant de repartir. Non. C'est plus cher à l'aéroport en général. Moi, ce que je fais, c'est je fais exprès de ne pas prendre assez dans ma valise de vêtements ou autres, comme ça je peux ramener un vêtement ou une paire de chaussures et dire bah voilà, c'est mon souvenir de vacances. Alors ça, ça peut être pas mal. Voilà, parce que ça peut lier l'utile à l'agréable, c'est encore sympathique. Mais il faut savoir qu'on achète effectivement le plus souvent notre souvenir à la dernière minute, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on attend de voir un petit peu le budget qui nous reste. Et donc c'est vrai que ce sont les aéroports, pour autant qu'on parte en avion, qui sont les plus prisés, mais c'est vrai qu'au niveau des prix, parfois ça douille un peu. Alors au niveau des souvenirs un peu nazes, qu'on ramène, il y a effectivement les boules à neige et donc vous avez le nom des collectionneurs des boules à neige. Kionosphérophile, c'est ça? Voilà, et vous l'écrivez comment? Ça s'écrit comme ça se prononce. D'accord. Comment vous dites? Parce que j'ai vu que pendant la pub, ils sont allés voir. Non, je me la joue, je le sais depuis longtemps. Comment? Kionosphérophile. Kionosphérophile. Okay. Ben voilà, comme ça, on aura un mot. Ou alors, quand on part du côté Mexique, tout ça, on ramène le fameux sombrero. Ça prend de la place. Hein. Voilà, ou bien vous aussi, hein, Benjamin, vous disiez en début d'émission que vous étiez parti du côté du Vietnam et vous avez ramené un chapeau. Le chapeau chinois. Sauf qu'excusez-moi, c'est pas un souvenir naze, parce que là-bas, ils le portent vraiment. Et pourquoi vous l'avez pas amené? Mais parce que demain, prenez-le avec parce vous. Que j'étais gêné. Allez. Pas ramener des boules à neige et des chapeaux vietnamiens au travail. Demain, vous alors votre ça chapeau. Va vous servir à quoi? Et il m'a coûté 1 euro, figurez-vous. Ah oui, d'accord. Et ça c'est du... Comment a-t-il été fait aussi? Dans des conditions... Oui, moi qui parle vietnamien couramment, j'ai longuement l'occasion de discuter avec le fabricant. Alors, on parle aussi des fameux aimants qu'on peut mettre sur le frigo ou sur les meubles, etc. Les petits magnets, je ne sais pas comment il faut dire. On en a tous ramené au moins un. On en a tous quelques-uns sur le frigo aussi. Ça ne sert à rien. Mais par contre, c'est vrai que quand on les voit, ça fait plaisir. Ouais. Ça ne coûte pas trop cher, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est sympa. À ce stade, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, Pierre? Un sombrero, une boule à neige ou un magnet? Un magnet. Ouais, Julie? Oh, le sombrero, c'est utile. Ouais, c'est vrai, en cas de soleil. On ramène aussi du sable. Alors, on va sur les plages, par-ci, par-là. On ramène une petite fiole de sable. Attention à prendre du sable qui soit bien, bien sec, parce que vous pourrez ramener aussi éventuellement des bactéries, des petites bestioles bien dégueu. Ah ouais. C'est pas top. Il y a certains pays aussi où c'est interdit. Donc si on vous prend à la douane avec une petite fiole de sable, claque, vous pouvez passer par la case prison et les 20 000 euros, vous les avez pas, quoi. Donc vous allez devoir les payer. Donc c'est un petit peu dommage. Il faut se dire avec les galets aussi parfois en France sur certaines plages. Les éléments naturels, on peut pas les ramener. Non, on peut pas. C'est comme là sur la photo, évidemment, si vous nous écoutez en radio, c'est un petit peu compliqué. Mais les étoiles de mer, tout ça, on peut pas ramener. Les coraux, les coquillages, c'est un peu compliqué. Les poissons non plus. Les poissons non plus. Vivants, morts. Non, les animaux, les gens non plus. Les gens non plus. Faut dans la valise, il y en a qui le font, il y en a qui essayent. Maintenant, il y a aussi toute la partie alimentaire que vous pouvez ramener, les épices, les boissons, tout ça. Et puis alors, surtout, ce qui nous arrange maintenant, ce sont les photos. On ramène 650 millions de photos, mais qu'on ne regarde plus. Bien évidemment. Elles sont dans les portables, dans les iPods, dans les iPads, et donc on ne les voit plus. Qui imprime les photos de vacances, vous imprimez? Non, Julie. Oups. Pierre. Non, j'ai déjà du mal à en prendre, donc. Vous voyez, elle est tous sur la même longueur d'onde. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Alors, ramenez-nous comme souvenir une météo des vacances, Caroline Gillet. Une météo de mes vacances. Non, de celle qu'on passe en Belgique aujourd'hui. Celle qu'on passe en Belgique, malheureusement, ça risque d'être un petit peu pluvieux si vous êtes du côté du littoral aujourd'hui. Il y a déjà quelques ondées là-bas. Ailleurs, le temps est généralement plus sec et une ambiance assez lumineuse. Cet après-midi, on va avoir davantage de nuages, quelques averses aussi, principalement entre le centre et le nord du pays. Ailleurs, il fera toujours plus lumineux si on va plus vers le sud. Et on aura un mercure de 17 à 22 degrés seulement, c'est pas bien bien chaud. Ah ben c'est le souvenir des vacances de Caroline Gillet. Donc la grande évasion vous emmène en vacances juste après les infos de 9h. À demain tout le monde. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. C'est un city trip insolite que nous vous offrons entre le 1er et le 5 août. Direction Berlin, que vous découvrirez grâce à CroisiEurope. Durant 5 jours, vous naviguerez sur les cours d'eau qui entourent la trépidante capitale allemande. Séjour en pension complète à bord, visite de la ville, de châteaux et de petits coins bucoliques. Vous connaissez déjà Berlin ? Dites-le nous sur la page Facebook de l'émission La Grande Évasion, Vivacité, RTBF. Avec Pierre Joie et Sarah Viss. Très bon lundi, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Et on s'informe à 9h avec Nathalie Servé. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Recherche donneur de sang désespérément, la Croix-Rouge lance un appel aux dons. Oui, comme chaque été, la Croix-Rouge manque de sang. Seule différence cette fois-ci, tous les groupes sanguins sont concernés. Plusieurs raisons expliquent cette insuffisance. L'activité transfusionnelle est assez soutenue, malgré les vacances. À côté de ça, on est privé tout un potentiel de donneurs. Les écoles sont fermées, les entreprises fonctionnent en effectif réduit. On ajoute à ça les donneurs qui sont partis en vacances. Et on se retrouve avec un nombre de donneurs moins élevé qu'à l'habitude. On a du mal à honorer nos commandes à 100%. Ce qui nous intéresserait, c'est d'augmenter nos prélèvements d'au moins 10% pour pouvoir faire face à toute situation ou événement imprévisible. Si ça n'augmente pas, malheureusement, on devra négocier avec les hôpitaux pour qu'ils postposent certaines opérations. Jessica Lozon, porte-parole du Centre médical de la Croix-Rouge, au micro de Coraline Sambon. 1168 euros par mois, c'est le montant de la pension minimale pour les salariés depuis ce matin, pour les indépendants aussi. Une égalité réclamée depuis 15 ans par les organisations d'indépendants. Willy Borsu, le ministre des Indépendants, parle d'un jour historique. Les patrons veulent une taxe kilométrique pour les particuliers, une taxe qu'on paye en fonction du nombre de kilomètres qu'on roule. Ça existe pour les camions depuis quelques mois. Hier, l'organisation des patrons flamands proposait la même chose pour les voitures, pour monsieur et madame tout le monde. Ce matin, l'Union Wallonne des entreprises répète qu'elle est d'accord. Simon Bourgeois, ce n'est pas la première fois que les patrons mettent l'idée sur la table. Avec un objectif, décourager les gens de prendre la voiture pour réduire les embouteillages. Pour Vincent Reuter, administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises, les bouchons font trop de mal à l'économie. Tous les travailleurs qui perdent un temps fou ou qui arrivent en retard à cause des embouteillages. Vous avez également le fait qu'on voit bien que les journées se déplacent de plus en plus. Regardez les gens qui vont à Bruxelles, par exemple, qui doivent partir de plus en plus tôt et parfois revenir de plus en plus tard de Bruxelles. Il est évident que vous n'êtes pas, quand vous êtes dans ce cas-là, dans les conditions idéales pour une bonne journée de travail et pour être dans la meilleure disposition d'esprit possible. Le patron des patrons wallons profite donc de la sortie de ses collègues flamands hier pour retaper une fois sur le clou. Ça fait 2 ans qu'il demande cette taxe kilométrique et d'ailleurs les syndicats sont en général assez d'accord. Et du coup, elle a une chance d'exister, cette taxe kilométrique pour les particuliers. Mais en tout cas, pas pendant cette législature, ça c'est sûr. Après, pourquoi pas ? Ce n'est pas exclu, mais les politiques sont un petit peu frileux. Il faut dire que taxer les voitures voiture, ce n'est pas très populaire. Et puis le problème d'embouteillage, c'est autour des grandes villes seulement, Bruxelles surtout. Alors pourquoi taxer partout? Pourquoi taxer les gens qui roulent dans la campagne? Certains demandent plutôt un péage urbain. Là aussi, une vieille idée. On voit que les vacances sont propices pour remettre des vieilles marottes à l'agenda. En France, 6 jours après l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-de-Rouen,